chose sur lui-même ne pèse que peu. Et lui a dit, choisis son étoile. Le ciel ne répond pas. Notre héros suicidaire saura-t-il s'abstenir? Seulement se tenir et taire sa terreur? Aura-t-il la sagesse des grands confesseurs? Ou bien l'amour, comme une chaude fleur, enveloppera-t-il sa tête rasée? À ces mots, le marin bizarre s'éduit, et regardant sa bouteille, il a reniflé. Lui, elle, suspendu dans son vertige, effrayé de ces horribles questions, a glissé par-dessus bord. Et elle voyage au fond de l'eau. C'est l'amour de la mer. We'll be right back. langue roule un bonbon amer. Et les mains moites du désir. La respiration à la mer. La main s'ouvre et se ferme. Le désir refuse sur le lit. Attends. Rêve d'attendre. Arracher l'image au plafond. Et voir. Par l'intérieur d'une sécheresse désertique.